bonne année. Le Destroy 84 s'est écrasé. Aucun de nous ne survivra. Nous allons tous périr au cours de cette année maudite. Bonne année quand même.